RQC. Eh bien, bien le bonjour, vous aussi, bienvenue dans la cinquième émission de Touche à tout. Ça y est, on est reparti sur les chapeaux de roue. Et donc, là, on va s'écouter Village People avec YMCA. Et cette émission est dédicacée à mamie. C'était Village People avec YMCA. Et donc, je tenais à dire que cette année-là, non pas cette année-là de Claude François, mais cette année-là, 2017, on fête les 40 ans du disco. Donc, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec un partenaire, donc Nathan. Je tenais à remercier Samia de Nathan. Donc là, on a eu 3 livres. Hein. Enfin, c'est mon top 3 des livres de Nathan. Et après, on a encore eu une toute nouveauté qui n'est pas encore sortie. Donc là, on va commencer avec les tops de la France. Donc vous avez de la géographie, des monuments, de l'histoire et des rois et des reines. Et donc je vais vous lire le synopsis de ce livre. C'est un assez gros livre. On dirait presque un dictionnaire, ben, Doki au dictionnaire, ça rime un peu. Donc, un max d'infos, plus de 200 sujets essentiels, la culture générale facile, un concentré d'infos pour tout savoir sur la France, avec les régions, les sites naturels, les monuments grandioses, les personnages d'exception, le bouleversement de l'histoire et dates clés. Et donc, en plus, vous avez plus de pages de quiz et de records. Donc, ce livre est coté à 14,90€. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, encore merci à Samia de Nathan. Donc, comment se compose ces livres-là? Vous avez une petite frise où vous avez par exemple là je vous prends le Pays de la Loire, vous avez où ça parle des châteaux d'Angers, l'abbaye, c'est toute une frise chronologique. Après vous avez des petites rubriques par exemple respect, motivé. Pendant que je vous en lire une hallucinant, donc lors de l'édition de 1988 du mythe de course des 24 heures du Mans, une voiture prototype a atteint la vitesse de 405 km/h. Eh ben oui, c'est hallucinant. Donc c'est un livre qui cote quand même vraiment vraiment beaucoup de pages. C'est assez lourd. C'est un bon dictionnaire. Enfin, c'est pas vraiment un dictionnaire, mais en plus, pour les grands et les petits, ce livre vous instruit, hein, même Scream. C'est vraiment super bien, c'est pour tout le monde. Donc c'est dès 9 ans. Et en plus, j'ai parlé de Scream, donc Scream est à la technique, encore merci. Donc c'est un livre qui est de dès 9 ans. Donc maintenant, on va passer à un plus petit format, un beaucoup plus petit format. Ça s'appelle Les Concentrés. Et donc là, c'est Les Monuments Célèbres. Et donc en plus, avec ce livre, vous avez une appli quiz gratuite à télécharger en code scan. Donc là, c'est sur les monuments célèbres et je vais vous lire le petit synopsis. Un concentré d'infos sur 50 monuments du monde, parmi les plus remarquables. Le Machu Picchu, le Taj Mahal, le château de Versailles, la Sagrada Familia et l'Opéra de Sydney. Donc, en plus, dans la collection, y a les rois et les reines de France, la mythologie grecque, l'Égypte ancienne, les inventions et les inventeurs, les grandes dates de l'histoire, les grandes capitales du monde, les grands artistes, les monuments célèbres, le Moyen-Âge, les personnages du 21e siècle. Donc, ce livre est coté au prix de 7,50€. Donc là, c'est un peu même la même composition que les Dokéo, où c'est juste, en fait, la même chose que les Dokéo, mais en plus petit, en miniaturisé. Et donc franchement, je vous conseille vraiment ce livre. Donc là, vous avez le troisième livre, le dernier dans cette série de mes top 3 de livres. Donc vous avez Les Grands Personnages, qui est une nouveauté. Donc c'est une nouveauté, donc je vais vous lire le synopsis. Un max d'infos, plus de 250 figures majeures. La grande culture générale est facile, un concentré d'infos pour tout savoir sur celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Explorateur d'Henrique le Rouge à Jean-Louis Étienne, de grands artistes de Leonardo da Vinci à Andy Warhol, et aussi de grands hommes et femmes du 21e siècle, de Nelson Mandela à J.K. Rowling. Et donc, notamment, vous avez Michael Jackson dedans. Hein. Ça, on a vraiment bien aimé. Et d'ailleurs, quand on a reçu ce livre, on avait fait un pari. Pari qu'il y aura Michael Jackson. Ouais, il y aura Michael Jackson. Et ben, on avait raison. Donc, vous avez les explorateurs, artistes et hommes et femmes du 21e siècle avec des quiz et des records. Et donc, ce livre est au prix de 12,90€. Et donc, dedans, ben, vous avez par exemple les Beatles avec une anecdote super bien. Notamment, ils ont enregistré leur premier album en 10 heures. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va se faire une petite pause musicale avec Rick Astley. Je suis sûr que vous connaissez cette fameuse chanson, mais c'est pas la plus connue. Là, c'est une nouvelle, on va dire. C'est Angels on My Side. Un nouveau clip. Sometimes I just don't feel like waking up. Wanna stay inside my dreams. Sometimes I feel like I am breaking up. Do you know just how that feels? Hope is for the hopeful. It's a dream that never dies. And I got angels on my side. It's breaking. It reminds me of my youth. Donc c'était Eric Astley avec Angel on my side. Donc là on va se faire peur. Je sais que Rico t'aime bien ça, tu dis que je suis un enfant bizarre. Ben là je suis encore plus bizarre. Donc là on va se raconter une petite creepypasta. Et donc elle est assez courte mais elle est quand même bien. Donc elle s'intitule I Walter, I got a new gift today. Donc là je vais vous la lire. Je suis tombé sur un sujet d'actualité qui est viral aux États-Unis. Je parle du cas Kayla Berg. Kayla Berg, c'est une meuf qui habitait dans le Wisconsin. Elle s'est fait enlever dans une ville au Washoe à l'âge de 15 ans en septembre 2009 et n'a jamais été retrouvée à ce jour. Puis après son enlèvement, soit deux semaines, une vidéo intitulée I Walter, I Got a New Gift Today a été publiée sur YouTube montrant ce mec dont on ne connaît pas le nom, parler l'un de ses potes appelé Walter. Et lui, il a une nouvelle copine qui faisait les magasins avec lui, donc il voulait tout lui montrer. Il lui dit qu'elle n'aime pas beaucoup les photos, mais qu'il lui avait fait une présentation quand même. La deuxième scène, on le voit ouvrir une porte et on découvre une femme nue et ligotée dans une salle de bain qui demande à l'aide et l'entre entre la femme, la porte brusquement, la porte se ferme brusquement. Et donc la mère avait vu cette vidéo et se dit « je reconnais la voix de ma fille ». Mais du coup, 7 ans après, la fille n'a jamais été retrouvée. Donc voilà, c'était la petite creepypasta « I wonder, I got a new gift today ». Donc, en fait, une creepypasta, c'est quoi ? C'est des histoires d'horreur inventées sur des forums. Et donc, la vidéo existe réellement, mais bien sûr, c'est une mise en scène. Hein, et la vidéo sera partagée ainsi que la creepypasta. Donc, franchement, c'est vraiment bien cette creepypasta. Donc, maintenant, on va enchaîner avec un unboxing. Donc, là, c'est un pop alien. Donc, encore merci aux partenaires. Donc, cette fois-ci, c'est un pop 6 inch. Donc, encore plus grand que les originaux. Donc c'est la reine alien, Alien Queen, le 346. Donc elle est vraiment super bien, donc c'est de Alien le retour, hein, l'un des meilleurs aliens, mais je préfère quand même l'original, vu qu'il est plus angoissant que le retour. Donc les dents sont super bien représentées, mais ce qui est marrant c'est que quand on la sort de sa boîte, elle a vraiment des dents bizarres, on dirait qu'elle te fait un sourire diabolique, comme ça, voilà. Après on a sa queue qui est vraiment énorme, hein, comparée à la boîte, et vous avez aussi ces doigts de dinosaure, hein, j'ai envie de dire, de T-Rex, qui sont vraiment bien super représentés. Donc vous n'en avez que deux dans cette collection, vous avez aussi... Ripley qui est super bien, mais en fait vous avez de la nouvelle collection Alien, enfin vous en avez plusieurs. Vous avez aussi un Alien tout seul de Alien l'original. Et après vous avez Alien Covenant, donc qui sont vraiment super bien réussis. On en a déjà reçu un, donc encore merci aux partenaires. Donc vous avez par exemple le Nénomorphe, le Xénomorphe et les autres personnages principaux qui sont vraiment super bien représentés. Donc c'est une super belle pièce, le Alien, donc la reine Alien. Je vous la conseille vraiment, elle est super bien foutue. Donc là on va se faire une petite pause musicale avec Rick James, Sweet and the Sexy Thing. Donc c'était Rick James avec Sweet and Sexy Thing. Donc c'est une version maxi 45 tours. Donc maintenant on va faire une rubrique high tech. Donc on va vous présenter un cadeau d'anniversaire. Donc merci à la personne qui me l'a offerte. Elle se reconnaîtra. Donc c'est la Gigabyte Camera Jolt Duo 360. Donc c'est une caméra bien sûr 360 degrés. Donc c'est une caméra à un prix abordable. J'ai envie de dire vraiment plus que abordable quoi. Vu que entre les caméras normales 360 degrés, vous en avez entre 130€ et plus de 200€. Hein. Et celle-là est au prix maudit de 30€. Donc c'est vraiment pas cher, une très très bonne qualité. Donc c'est une caméra 360 degrés, je tenais à le dire hein, encore une fois. Elle a mémoire et RAM 1Go jusqu'à 32Go de stockage via une carte mémoire micro SD normale. Et donc elle est compatible avec Android et iOS. Et pour cela, pour la faire marcher sur votre smartphone, bien sûr Android et iOS, vous devez télécharger l'application Jolt 360. Ce qui vous permettra de faire marcher, de visionner un genre de mini moniteur portable, j'ai envie de dire, pour votre caméra, la faire tourner, etc. Et le petit problème qu'on avait eu avec Scream, qu'on avait cherché pendant au moins quelques heures, on se disait, oh là là là là, on a déjà tourné la vidéo, mais où est le logiciel de transformation, c'est pas possible. Mais en fait, vu qu'on était distrait par je ne sais quoi, elle était juste en dessous du site. Donc voilà comment avoir, vu que personne nous le disait. Donc voilà comment avoir le logiciel de transformation. Mais encore une fois, un inconvénient, mais c'est normal. Par exemple, pour Yves d'Enfer, ce lundi, nous avons tourné 23 minutes à peu près de 360. Et nous avons fait une transformation. Et donc, combien de temps ? C'est presque plus de 24 heures, au moins 24 heures de transformation pour une vidéo de 23 minutes. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, vous avez un mini-écran résolution 128x64 pixels, une résolution de vidéo de 1920x920p 30fps, image 3008x1504 et 4,5 mégabits. Donc en fait ça tourne en 1080p et le son est plus que génial, il est vraiment incroyable. Ça se recharge par micro USB par votre ordinateur, encore un inconvénient, le micro USB était pas top du tout, on a dû changer de micro USB. La batterie est de 15 mAh, le poids est de 104 grammes, donc ça va, c'est vraiment léger. Dimension 60 x 49 x 32 mm, donc ça va vraiment. Et par contre, la carte mémoire n'est pas fournie avec. Et quand cette personne me l'a pris pour mon anniversaire, merci, elle se reconnaîtra. Donc pour 30€, vraiment pour 30€, vous avez le kit complet. Le kit complet entre 30€ et 50€, vous avez le kit complet. Donc c'est-à-dire vous avez une grip, une perche selfie, des adaptateurs comme une GoPro, vu qu'en fait une caméra 360 c'est une genre de caméra sportive mais qui filme en 360 degrés. Donc vous avez une perche waterproof, une coque waterproof, une perche selfie, un GorillaPod. Donc c'est quoi un GorillaPod ? Je m'explique, c'est un petit trépied mais qui peut se moduler partout. Donc si vous voulez aller dans la forêt, la mettre sur une branche d'arbre, vous pouvez le plier sans qu'il ne se casse, etc. Il y a bien sûr des petits pas de vis, des 3M pour mettre sur les casques, etc. Vous avez une batterie fournie, une housse fournie, un petit resetter, etc. Et donc, vous avez aussi un scan pour avoir l'application. Donc là, on va se faire une petite pause musicale. Donc pour le programme, c'est Jolt 360, tout simplement. Et pour transformer ceci, le petit problème aussi qu'on a et qu'on n'arrive pas à résoudre, donc s'il y a quelqu'un qui nous écoute, ce serait sympa de nous le dire. Donc on arrive par contre à transformer en 360, mais pour genre mettre de la musique de fond, nous n'y arrivons pas parce que il faut faire aussi des modifications et ça ne reconnaît pas. Mais bon, il y en a qui arrivent à le faire avec d'autres logiciels un peu plus performants. Donc par exemple, moi j'ai Sony Vegas Pro 13, on ne peut pas le faire dessus. After Effects, on ne peut pas le faire dessus. Et Premiere Pro, on peut le faire dessus. Mais la personne qui l'a faite avait l'autre version, l'ancienne version. Et moi, j'ai la toute nouvelle. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Mais vous pouvez le faire quand même. Et donc, si vous voulez mettre une petite musique de fond, par exemple, vous allez à la plage ou au ski, vous mettre un petit Village People, pourquoi pas. Donc là, on va se faire une petite pause musicale avec Robbie Williams, avec Rock DJ.

Donc là, nous allons encore passer à un livre de chez Nathan. Merci à Samia, à Nathan, un excellent partenaire encore. Merci à eux. Donc là, vous avez le nouveau livre de Cathy Cassidy, tout nouveau, qui n'est pas encore sorti. Donc c'est les 5 lettres du mot cœur. Donc c'est par l'auteur des Filles au chocolat. Donc vous devez connaître sûrement ce livre. Donc ce livre va paraître en octobre 2017. Quand même, on a de la marge. Donc je vais vous lire un petit peu le synopsis. Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables comme les 5 doigts de la main ou comme les 5 lettres du mot cœur que forment les initiales de leur prénom. Mais après une violente dispute, leur groupe est brisé. Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux en secret, ne se parlent plus. Est-il vraiment trop tard, 2 ans après, pour recoller le morceau de l'amour et de l'amitié ? Eh ben, nous allons le savoir dans ce livre. Donc en fait, je vais vous raconter un petit peu, ce sont 5 personnes, hein, Eden, etc., qui étaient en fin de primaire et sont jurés de dire non, on est amis pour la vie, meilleurs amis pour la vie, on s'aimera toujours. Mais des petits quiproquos se transforment en grosses disputes et donc leur groupe est brisé et ils vont essayer chacun de recoller leurs morceaux entre eux. Mais est-ce que ça va marcher ? Vous le saurez dans ce livre. Donc là, je vais vous lire une petite page sur l'auteur. Donc Cathy Cassidy, c'est une ancienne professeure d'art à une école secondaire et maintenant elle se consacre à l'écriture de romans. Elle a écrit de nombreux romans sur la jeunesse, dont plusieurs best-sellers au Royaume-Uni et en France. Elle vit aujourd'hui en Écosse avec son mari et ses 2 enfants. Mais on ne privilégie pas que l'auteur, hein, voyons, on privilégie aussi la traductrice Anne Guidon qui a traduit tous les livres de Cathy Cassidy. Donc je vais vous citer quelques titres quand même, hein. Vous avez « Aux délices des anges »,« Miss pain d'épices »,« Rouge bonbon » et « Rose givrée ». Donc encore merci à Nathan et à Samia pour ce livre. Et à Nathan de nous faire confiance pour ce partenariat. Donc ce livre est à un coût à peu près de 14 €, donc 14,95 €. Donc c'est vraiment un prix abordable pour un excellent roman. Là nous avons reçu la version d'essai, donc ce n'est pas vraiment la version officielle, mais encore merci Nathan. Donc là on va se faire une petite chronique de film. Donc un excellent film, si je vous fais, ça vous dit rien, c'est le fameux Gorille, le fameux Kong. Donc ce film est sorti le 8 mars 2017, il dure 1h59 et encore merci à Warner pour ce film et pour leur confiance. Donc c'est un film qui est de Jordan Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson qui a un excellent rôle. Mais à la fin on a envie de le taper, Samuel Jackson. Vous avez Brie Larson, genre c'est aventure fantastique, action, on peut dire c'est un film américain et vietnamien. Donc le synopsis du film c'est tout simplement un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur d'une île inconnue du Pacifique aussi belle et dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong. Donc c'est vraiment un excellent film. Et par cela, vous allez avoir encore les dinosaures, les bêtes géantes, les insectes géants de ce film, qui sont vraiment super bien représentés. La photographie est franchement géniale, les paysages, les travelling, les plans de grue sont vraiment géniales, les effets spéciaux notamment. Quand, bon, j'ai pas trop vous spoiler, mais quand ils essayent d'avoir la, quand un des personnages essaie d'avoir la peau de Kong et que tout explose, c'est vraiment magnifique aux yeux, un film vraiment génial. Donc nous, on l'a reçu en Blu-ray, donc encore merci à Warner pour leur confiance. Donc vous êtes bien sur RQC 95 FM jusqu'à 14h30 avec Touche à tout, Scream à la technique et le slasher à la blablate. Donc là on va se faire une petite pause musicale avec Snap, non pas Snapchat, faut que j'arrête avec le jeu de mots, et donc avec le titre Do You See The Light. Do you see the light? Do you see the light? Do you see the light? Donc c'était Snap avec Do You See The Light, un excellent titre et un titre aussi super connu, j'en suis sûr que vous devez le connaître. Donc là on va faire le dernier unboxing Funko Pop de cette émission. Donc là c'est le pop Daryl Dixon de Walking Dead. Donc Walking Dead, ils ont dévoilé leur trailer de la saison 8, 5 minutes de trailer, 5 minutes d'action. Et franchement je vous le conseille de le voir. Et en plus en ce moment il y a une théorie enfin qui fait le tour de la toile. Rick aurait vieilli ou serait mort dans l'extrait, je vous invite à voir ceci. Donc, vous avez le pop, encore merci au partenaire, Rides. Donc, vous voyez Daryl Dixon avec sa fameuse chopper qui s'est fait piquer au cours d'une saison. Je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui suivent bien, vous devez le savoir. Donc, sa très belle chopper, c'est le pop numéro 8, non pas des Walking Dead, non, des numéro 8, des Riders. Mais derrière, vous mettez quand même la collection de la prison. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez une petite image avec le fond de la prison. Donc, notamment, vous avez, si je me souviens bien, Glenn en version prison. Carol Pelletier, Herschel Green. Vous avez Teddy Bear Girl, le zombie du puits. Et vous en avez quelques-uns des autres, mais vraiment excellent. Vous avez aussi Carl Grimes. Donc, on va vous en présenter quelques-uns au fur et à mesure de l'émission. Donc le pop, comment se compose-t-il ? Vous avez tout simplement la chopper de Daryl avec des fameuses taches de boue, des taches de boue sur les roues, donc vraiment super bien. Vous avez Daryl avec son arbalète et sa fameuse veste Angels que je vous conseille. Franchement, j'aimerais bien avoir une veste comme ça, hein. Elle est vraiment géniale. Donc

Valérian et la cité des mille planètes, High Witch, Faites un vœu, Dinkirk, Salgos, Spider-Man Homecoming, La planète des singes, Supremacia, excellent, Maman chez Méchant 3, Cars 3 et La momie. Donc maintenant, on va se faire une petite pause musicale avec The Prodigy, Minefields, Live at Russia. Yeah! Whoosh! I walk through fucking minefields! I trek through fucking minefields! Whoosh! All my fucking people here! Donc c'était The Prodigy avec Minefields, un live enregistré en Russie. Et donc, petite info comme ça, dans les futures émissions, normalement, nous allons avoir un invité. Donc, premier invité, donc ça va être cool. Donc là, c'est le dernier truc avant de se laisser, c'est une chronique de film, c'est Les Schtroumpfs et le Village Perdu. Oui, un film d'animation qui n'a aucun rapport avec les Schtroumpfs précédents. Donc c'est un film qui est sorti chez Sony, donc encore merci à Sony pour leur confiance. Donc, il est sorti le 5 avril 2017. Il dure 1h30. Donc, le film est de Kelly Absurdi avec Léa Milo, Gérard Hernandez, Aine Elmech et encore d'autres. Hein. C'est un film d'animation comédie américain. Donc, je vais vous lire le synopsis. Donc, le DVD sortira le 8. Donc, le synopsis, c'est la schtroumpfette, le schtroumpf costaud, le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf maladroit ont filé en douce pour poursuivre une carte vers un mystérieux village, mais le chemin qui y mène regorge d'embûches, la créature magique des souterrains labyrinthes. Donc il y a plein de créatures magiques, des lucioles, etc. Et tout. La photographie est vraiment bien, mais il va y avoir quelqu'un qui va essayer de les arrêter. C'est Gargamel, Krakoukas et ce fameux chat taré. Donc Krakoukas, hein, c'est un petit délire qu'on a avec Scream. Donc il faudra aussi bien redoubler de faire attention partout à Azrael, à Gargamel, à tout le monde quoi. Et donc c'est vraiment bien, on suit l'aventure des Schtroumpfs pour trouver ce village perdu. Les dessins sont super bien réalisés, la photographie est géniale. Franchement, je vous le conseille, les couleurs sont vraiment très très belles. Et donc franchement, ce film chez Sony, donc encore merci à Sony pour leur confiance. Et donc on va savoir l'avenir de la schtroumpfette, qu'est-ce qu'elle est classée comme schtroumpf, et on va avoir aussi, sans vous spoiler, le village perdu, c'est les doublons des schtroumpfs, leurs différentes identités, confrères jumeaux. Je vais pas vous spoiler, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission, car là je pars en vacances, un peu me détendre sur la fameuse digue de Coxide. Et donc si tout va bien, on aura bientôt dans une émission un invité assez spécial. Donc là on va se quitter avec The Reynolders, I Did Rather Jack, qui est une extended mix du Real de 1988. Bon allez, ciao. Only sur RT.